Book 2 23 تعلم اللغات الأجنبية Apprendre des langues étrangères Apprendre des langues étrangères أين تعلمت الإسبانية؟ Où avez-vous appris l'espagnol? Où avez-vous appris l'espagnol? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Parlez-vous également portugais? Parlez-vous également portugais? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Oui, et je parle aussi un peu l'italien. Oui, je parle aussi un peu l'italien. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Je trouve que vous parlez très bien. Je trouve que vous parlez très bien. اللغات متشابهة إلى حد ما. Les langues se ressemblent. Les langues se ressemblent. أستطيع أن أفهمها جيدا. Je peux bien les comprendre. Je peux bien les comprendre. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Mais les parler et les écrire est difficile. Mais les parler et les écrire est difficile. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Je fais encore beaucoup de fautes. Je fais encore beaucoup de fautes. أرجو أن تصحح لي دائما. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. نطق جيد تماما. Votre prononciation est très bonne. Votre prononciation est très bonne. عندك لكنة بسيطة. Vous avez un léger accent. Vous avez un léger accent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. On devine d'où vous venez. On devine d'où vous venez. ما هي لغتك الأم؟ Quelle est votre langue maternelle? Quelle est votre langue maternelle? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Suivez-vous des cours de langue? Suivez-vous des cours de langue? أي منهج تستعمل؟ Quel matériel utilisez-vous? Quel matériel utilisez-vous? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Pour le moment, je ne m'en souviens plus. Pour le moment, je ne m'en souviens plus. العنوان لا يخطر على بالي. Le titre ne me revient pas. Le titre ne me revient pas. لقد نسيته. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié.